C'est sur cette musique de Léormé que nous entreprenons notre quatrième saison de l'émission Rock de Neurones. Rock de Neurones qui est une émission consacrée au rock progressif et aujourd'hui, ça se trouve être la 127e émission. 127 émissions de 2 heures depuis 4 ans. Avec 1h15 de musique à chaque émission, ça totalise à peu près 210 heures de musique, toutes des pièces différentes à 1 ou 2% près. Ça veut dire que si vous êtes amateur de rock progressif et que vous voulez reculer dans le temps, vous pouvez consulter les émissions archivées. Il y en a une soixantaine et vous allez sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et puis vous avez un lien facile avec toutes ces émissions-là qui sont archivées. Alors, vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les 2 prochaines heures. Je m'occupe de la recherche, de la mise en onde, du choix musical et de l'animation. Et pour débuter la saison, bien, on va faire un petit retour dans le passé. L'émission a été hors d'onde depuis la fin mai, où on a, si on se rappelle bien, interviewé la bassiste du groupe de JJ Project et avec qui on avait avec qui on s'est entretenu aussi. Puis ça a été précurseur du spectacle qui avait eu lieu, le JJ Project, le 11 juin, spectacle que auquel j'ai assisté et je peux vous garantir que la relève, elle est très bonne. Alors, dans les prochaines émissions, incluant celle d'aujourd'hui, nous allons faire un petit retour sur l'été où il y a eu d'innombrables parutions. Moi, j'ai consulté, même si je n'ai pas été en onde, j'ai consulté à chaque jour au moins 3 ou 4 sites Internet là, qui annoncent les nouveautés. Alors, il y a eu entre autres 3 à 4 nouveautés par jour. Alors, si on compte la centaine de journées, là, je vous dirais que j'ai écouté quelques centaines d'albums. J'en ai retenu une quarantaine que j'ai trouvées et achetées. Et on va en entendre aujourd'hui des nouveautés. D'ailleurs, sur les 13 pièces de l'émission aujourd'hui, il y en a 12 qui sont des nouveautés. Alors, on va entendre Moulets d'Angleterre, Fritz Wiki d'Australie, Nemrud de Turquie, Cosmographe d'Angleterre, aussi Freedom to Glide, House de Montréal, Renden d'Italie, Airbag de Norvège, RPVL d'Allemagne, Deus Ex Machina d'Italie, et à la fin, Animo Mundi, le très unique et incomparable groupe de Cuba. Il n'y en a pas beaucoup des groupes à Cuba. Alors, Animo Mundi, c'est un de mes coups de cœur de l'été, avec aussi Nemrud de Turquie. Alors, on va débuter le premier bloc avec Moulets. Moulets, qui est un groupe de jeunes musiciennes britanniques de formation classique. Et on les a vus en première partie de Three Friends, c'est le groupe qui joue les pièces. C'est le prolongement, en fait, de Gentle Giant avec Gary Green et Malcolm Mortimer, le batteur. Particularité de ce spectacle-là, c'est qu'il y avait Moulets en première partie et Moulets inclut dans son groupe le batteur qui est le fils de Malcolm Mortimer. Là, on parle ici de Jim Mortimer. Alors, ça a été assez unique de voir, durant la même prestation, deux groupe avec le père et le fils là, œuvrant sur le même instrument. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé assister, en fait. Alors, Moulets, ils ont sorti leur 4e album, qui s'intitule « Preternatural ». Et on va entendre 2 pièces. Ça va être suivi de Fritz Wiki, qui est un nouveau groupe d'Australie. Alors, on va avoir un extrait de l'album « Bilb ». Il y a Nemrud de Turquie. Nemrud viennent de faire sortir leur 3e album. Nemrud, c'est un groupe parrainé par un des membres de la formation Eloy d'Allemagne. Alors, le son est très, très apparenté. Une particularité de Nemrud aussi, ce sont des musiciens qui enregistrent live en studio, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de track ou de pistes en musicien interposé, dans le sens qu'ils jouent ensemble et ce qui est mixé, bien, c'est le produit qui sort de leur prestation live en studio. Alors, on va entendre un extrait du dernier album. Et en fin de bloc, on aura une pièce du nouvel album de Cosmographe, The Unreasonable Silence. Cosmographe, qui est un groupe de musiciens studio, surtout, qu'on ne voit pas beaucoup en spectacle. Je pense qu'ils ont fait un spectacle depuis qui existe, depuis 2008. Et c'est un musicien, Robin Armstrong, qui invite à chaque album, invite une flopée de musiciens chevronnés pour l'accompagner. Alors, on débute ça avec Moulets. Ça sera suivi de Fritz Wiki. et Nemrod et Cosmographe. Alors, bienvenue à cette nouvelle saison de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Thank you.

just me what I can see. Ceiling pushing on me. Feeling stress in the queue. Feeling lost without you. Remove Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Cosmograph d'Angleterre avec Arcade Machine, et c'est extrait du dernier album The Unreasonable Silence. Ça a été précédé de Nemrud de Turquie avec la pièce, un extrait de la pièce The Euphrates. C'est extrait de l'album éponyme Nemrud, et précédé de la formation australienne Fritz Wiki avec la pièce Subtile Rebuttal, et c'est tiré de l'album Bilb. Et en début de bloc, nous avions deux pièces de la formation Moulettes avec Parasite et Behemoth, et c'est extrait de Preternatural, leur nouveauté. Après la pause, Freedom to Glide, House et Random. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Et nous voilà déjà rendus au deuxième bloc, et on aura pour la suite de l'émission un nouvel extrait du nouvel album Fall de la formation Freedom to Glide d'Angleterre. Fall étant leur deuxième album. Il y a eu un EP durant l'hiver, mais le deuxième album complet après Rain, qui est paru en 2013, l'excellent Rain, qui est très apprécié de certains de mes auditeurs. Mais on aura deux extraits de l'album Fall. Ça sera suivi de la formation montréalaise House. Ça s'écrit H-U-I-S, mais ça se prononce House. Et l'album qui est paru, c'est un petit peu au printemps. Je le nomme comme une nouveauté, mais à l'émission, c'est la première fois qu'on en fait jouer. C'est une pièce extraite de Nether in Heaven. Cet album-là, d'ailleurs, est constamment dans le palmarès du rock progressif sur Internet. Je vous citerai le nom du site à un moment donné, mais House se classe très bien parmi les grands. Et on sent aussi une influence de Mystery, parce que je pense qu'il y a eu un transfuge de la formation Mystery qui est apparu dans le groupe. Et on va conclure le bloc avec une moins nouveauté. En fait, c'est un album qui est paru en 2014. C'est la formation italienne Random. C'est le sixième album du groupe. C'est une formation quand même assez récente qui existe depuis le début de 2000, en fait, les années 2002. Alors, on enchaîne immédiatement avec Freedom to Glide. Apprentice after the war, he taught me my trade and to start where I stand. I know Portland stone like the back of my hand. The graphite tip sharpened, the blades are honed, and we're unified by the piece of stone. We're scratching the surface in the stone. Waving him off down the road from the door, I'm desperate to follow my father to war. I read his smile as the pride for his son, but he was just thankful that I was too young. And I see that look in his eyes again, as memories escape and they rise again, breaking the surface. To be carried like dust on a cruel breeze, float like the wreckage on merciless seas, and they cut like the letters that spell out the names in the stone. Safe behind borders, our flags are unfurled, and mark out the still point of each turning world. Poets united in unrestrained verse, truth is uncovered for better or worse, while the tip of the iceberg deceives the eye. It's the love of a mother that sees the lie and what's under the surface. Carried like dust on a cruel breeze, float like the wreckage on merciless seas. And they're cut like the letters that spell out the name. Thank you. since you're gone, this place feels empty. I pellegrini devono avere tre mutande, uno indosso e altro per il fosso e un terzo per se mi cago addosso. Bueno, hai preso il dolce? Thank you. ¿Alguna cosa más? Nicola. No, ¿no? No, prima. Ahí te toco algo. Ya no sé cosa era. Meta, come lo è ancora oggi, di un importantissimo pellegrinaggio. Ogni anno più di 500.000 pellegrini si mettevano in viaggio a piedi. Essi partivano da tutti i paesi d'Europa, si recavano in Spagna a venerare il sepolcro dell'Apostolo San Giacomo. Verso la fine del secolo XVI, quando le discordie religiose cominciarono a rendere difficile il pellegrinaggio, il vescovo di Santiago fece nascondere i resti. Essi furono ritrovati per caso soltanto alla fine del XIX secolo. Il papato esitò per qualche tempo prima di riconoscerli come autentici. Nel VII secolo d.C., secondo la leggenda, fu una stella a indicare ai pastori il luogo dove si trovava il corpo di San Giacomo. Questa fu l'origine del nome di Compostela, Campus Stelle, il luogo della stella. Nella maggior parte dei paesi occidentali, la Via Lattea si chiama anche la Strada di San Giacomo. Alors, c'était la formation italienne Rendon avec la pièce Hasta la Vista, Diego, et c'est extrait de l'album Ultria, qui est paru en 2014. Ça a été précédé de la formation montréalaise House, avec la pièce Nor on Earth, et c'est extrait de Nether in Heaven. C'est une parution de cette année 2016. Et au début de bloc, nous avions deux pièces extraites de l'album Fall de la formation britannique Freedom to Glide. On a entendu Toll et Names in the Stone. Après la pause, Airbag, RPVL et Deus Ex Machina. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici rendus à la deuxième heure de l'émission où on va entendre trois groupes. Le premier, c'est Airbag. Airbag, qui est une formation norvégienne qui ont quatre albums. C'est un groupe qui existe depuis 2009. Le quatrième est sorti cet été. Ça s'appelle Disconnected. Et on va entendre une pièce qui est extraite de cet album-là. On a connu aussi son guitariste Bjorn Riss, qui a fait un album solo qui a été très bien reçu aussi par la critique. Alors, on a ensuite RPVL. RPVL qui a fait un album en spectacle des pièces de Pink Floyd, des pièces qui sont surtout qui originent de la formation précédente Dark Side of the Moon et Metal. On entend, là, aujourd'hui, on va entendre une pièce. C'est Atom Heart Mother, en fait, c'est l'album de Pink Floyd qui est paru, je pense, en 1971 ou 72. Et RPVL, qu'on a pu entendre à la convention Terra Incognita en mai dernier. Ils ont d'ailleurs joué l'album le premier soir, je crois, ils ont joué l'album Hommage à Pink Floyd. Et on va conclure le troisième bloc avec une formation italienne, Deus Ex Machina, qui c'est une formation assez âgée. On parle de 1991. Cependant, on a eu un éclipse entre 2008 et 2016. Et en 2016, cet été, ils ont produit Devoto et on va entendre un extrait de cet album-là. Alors, on débute ça avec Airbag. Thank you.

Alors, c'était RPVL d'Allemagne avec la pièce Atom Heart Mother et c'est extrait de RPVL Plays Pink Floyd. C'est paru cette année. On a aussi, en début de bloc, entendu Airbag, la formation norvégienne, avec la pièce titre de l'album Disconnected. Après la pause, Deus Ex Machina et Anima Mundi. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, c'est le quatrième bloc de la première émission de la saison 2016-2017 et on va entendre Deus Ex Machina, une formation italienne. J'avais proposé de l'entendre à la fin du troisième bloc, mais alors, Deus Ex Machina avec une pièce extraite de l'album Devoto qui est paru cet été. Et on va conclure avec une formation cubaine. Il y a peut-être deux, trois formations de rock progressif à ma connaissance à Cuba. Et cette formation, Anima Mundi, a fait paraître un très bon album durant l'été. Et l'album s'intitule I, Me, Myself. Et on va entendre une longue pièce. On aura la description en détail des morceaux à la fin du bloc. Alors voici Deus Ex Machina et Anima Mundi. We'll be right back. On a long ride. in this space, still too childish and frightened. We learn how to catch the lightning and the fire to create magic and wonder. Shadows looking up on our realm, stuck in industrial dreams, harvest all nuclear hand. Ooh, I still look for who I am. To be humans with machines and devices, electric animals of steel, to blind for the eye, to deaf to still hear, angels of chimney and wheel. And that is how we go, passing through time, filling with toxic structures, oceans and lands. within your arms of teeth. Sweet madness to the world. Yeah. Alors, c'était Anima Mundi de Cuba, qu'on doit interrompre parce que la fin d'émission est arrivée. Alors, c'est Jimmy Farley qui a bien apprécié cette première émission de la saison de Rock de Neuron, et je vous invite la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la même heure, et vous surveillerez la page Facebook de l'émission parce que je vais poster, en fait, je vais mettre l'émission disponible en différé sur SoundCloud. Sur ce, bonne semaine.